Agar Stanley, détective tzigane, par Fergus Hume. Tome 2. Le deuxième client et les perles d'ambre. Après l'épisode du dante florentin, Agar perdit le moral. Elle avait envoyé Eustache faire fortune et découvrir, si possible, l'héritier disparu de Jacob Dix. Par cet acte d'abnégation, elle s'était privée de tout plaisir et de ce qui aurait pu être un brillant avenir, et par conséquent, elle était moins gaie qu'autrefois. Néanmoins, elle était convaincue que Lord l'aimait et qu'il gagnerait sa gratitude, voire sa main, en revenant avec Goliath. Lorsque cet événement se produirait, elle retrouva aussitôt sa bonne humeur et son amour, mais pour l'instant, les affaires du monde de piété accaparaient toute son attention et la forçaient à mettre de côté les pensées tristes et les considérations mélancoliques. De plus, la Providence lui fournit une distraction pour ses humeurs lugubres en lui envoyant une négresse, menu mettre en gage un collier de perles d'ambre. Bien qu'Agar ne le sache pas à l'époque, c'était le début d'une deuxième aventure plus sérieuse. Il faisait presque nuit, un soir d'août, lorsque la femme fit son apparition, et l'atmosphère du monde de piété était plus sombre que d'habitude. Cependant, il faisait suffisamment clair pour que Agar puisse voir que sa cliente était une négresse grande et corpulente, vêtue d'une robe jaune criard, compensée par des garnitures de perles de jais noir. Comme la soirée était chaude et étouffante, elle ne portait ni manteau ni veste, mais mettait en valeur sa silhouette androgyne dans ce costume décidément surprenant. Son chapeau était un jardin de roses rouges, blanches et jaunes. Elle portait une grande broche d'argent en forme de bouclier, un vaste collier de pièces d'argent et de nombreux bracelets du même métal à ses poignets noirs. En contraste avec ses splendeurs, elle ne portait pas de gants et ne cachait pas non plus son visage noir de charbon avec un voile. Dans l'ensemble, cette étrange cliente était la négresse la plus noire et la plus fantastiquement vêtue qu'Agar n'ait jamais vue, et dans la faible lumière, elle était une figure frappante, mais plutôt inquiétante. Lorsqu'Agar s'approcha du comptoir, cette femme noire sortit d'une sacoche en peau de phoque à fermoir d'argent un collier qu'elle lui tendit silencieusement pour qu'elle l'examine. Comme la lumière était trop imparfaite pour permettre un examen approfondi, Agar alluma le gaz, mais lorsqu'il s'enflamma, la négresse, comme si elle ne voulait pas être vue trop distinctement dans l'éblouissement, recula précipitamment dans l'obscurité. Agar mit ce mouvement de recul sur le compte de la timidité naturelle d'une personne peu habituée à la mise en gage et n'y prêta guère attention sur le moment. Plus tard, elle eut l'occasion de s'en souvenir. Le collier était constitué d'un chapelet de magnifiques perles d'ambre enfilées sur une fine chaîne d'or. Chaque perle était aussi grosse que l'œuf d'un moineau, et au milieu de chacune d'entre elles se trouvait une étroite ceinture de minuscules diamants. Le fermoir à l'arrière était en or fin, de forme carrée, et curieusement ouvragé pour représenter un nid de visage éthiopien avec des diamants en guise d'yeux. Cet étrange bijou était unique en son genre, et comme Agar l'avait rapidement constaté, d'une valeur considérable. Néanmoins, elle offrit, selon la coutume, une somme aussi basse que possible. « Je vous en donne 5 livres, » dit-elle en retournant au comptoir. À sa grande surprise, la négresse accepta d'un signe de tête, puis sortit de son sac un bout de papier. Sur celui-ci était écrit laborieusement « Rosa Marylebone Road ». Le nom et l'adresse étaient si imparfaits que Agar hésita à faire le reçu de gage. « Vous n'avez pas d'autre nom que Rosa ?» demanda-t-elle brusquement. La négresse secoua la tête et resta bien dans l'ombre. « Et pas d'adresse plus précise que Marylebone Road ?» La femme noire fit à nouveau un signe négatif et Agar, agacé par ses gestes, mit en colère. « Vous ne savez pas parler ?» demanda-t-elle d'un ton acerbe. « Êtes-vous bête ?» Aussitôt la négresse acquiesça et posa un doigt sur ses lèvres. Agar recula. Cette femme était noire, elle était muette. Elle donnait une moitié de nom, une moitié d'adresse, et elle voulait mettre en gage un bijou unique et de grande valeur. Toute cette affaire était étrange, et comme le pensait Agar, pouvait être assez dangereuse. Peut-être cette négresse silencieuse se débarrassait-elle d'objets volés, car le collier semblait trop beau pour qu'elle le possède. Pour l'instant, Agar était encline à refuser de faire affaire, mais un coup d'œil aux perles d'ambre la décida à la conclure malgré tout. Elle pouvait l'obtenir à bas prix. Elle agissait bien dans les limites légales du commerce, et si la police intervenait, aucun reproche ne pourrait lui être fait pour la transaction. Poussé par ces considérations, Agar établit le reçu au nom de Rosa et sortit de la caisse un billet neuf de 5 livres. Alors qu'elle s'apprêtait à remettre le reçu et l'argent sur le comptoir, elle s'arrêta. « Je vais noter le numéro de ce billet, » pensa-t-elle en se dirigeant vers le bureau. « Si cette négresse ne peut être retrouvée par son nom ou son adresse, le numéro du billet de banque permettra de lui mettre la main dessus si c'est nécessaire. » Jugeant cette précaution judicieuse, Agar s'empressa de griffonner le numéro du billet de 5 livres et retournant au comptoir, le donna, ainsi que le reçu, à son étrange cliente. La négresse lui tendit la main droite et Agar fit alors une découverte qu'elle nota mentalement comme marque d'identification en cas de besoin. Cependant, elle ne dit rien, mais s'efforça de bien regarder le visage de la femme. La cliente, cependant, restait bien dans l'ombre et glissa rapidement le billet et le reçu dans son sac. Elle s'inclina et quitta la boutique. 6 jours plus tard, Agar reçut un avis imprimé de New Scotland Yard informant tous les prêteurs sur gages que la police était à la recherche d'un collier de perles d'ambre serti de diamants et portant le visage d'un nègre en or. Un message sur l'endroit où il se trouvait devait être envoyé au département des détectives sans délai. Se souvenant de ses soupçons et de la manière persistante dont la négresse avait détourné le visage, Agar ne fut pas très surprise par cette communication. Curieuse de connaître la vérité et de savoir quel crime pouvait être attaché au collier, elle écrivit immédiatement à ce sujet. 4 heures plus tard, un étranger se présenta pour voir les perles d'ambre et l'interroger sur la femme qui les avait mises en gage. C'était un petit homme gras, avec un visage rouge et sain et des yeux brillants et perspicaces. Se présentant comme Luc Orval, du service des détectives, il demanda à Agar de raconter les circonstances de la mise en gage. « C'est Rosa ?» « La fille nègre de Madame Harry Ford. »« Rosa est son vrai nom ?»« Oh oui, je suppose qu'elle pensait fourguer les perles en donnant un faux. »« Mais l'adresse n'est pas la bonne. C'est à l'autre bout de Londres que Madame Harry Ford habite ou plutôt habitait. » ajouta Orval en se corrigeant. « Puisqu'elle occupe maintenant une tombe de Kensal Green à Camden Hill, mademoiselle. Une jolie petite maison dans les jardins de Bedford, où elle vivait avec Rosa et Mademoiselle Lyle. Et qui est Mademoiselle Lyle ?» La dame de compagnie de Madame Harry Ford, une vieille fille sèche, mademoiselle, qui ne peut nullement être comparée à une belle fille comme vous. » Agar ne daigna pas remarquer le compliment, mais pria vivement M. Orval de poursuivre son récit, ce qu'il fit, nullement découragé par la froideur de son attitude. La vieille dame, la vieille fille et la négresse vivaient ensemble à Bedford Gardens, une famille heureuse en quelque sorte. Madame Harry Ford était la veuve d'un gentilhomme antillais, aussi riche que Salomon. Elle a rapporté ses perles d'ambre de Jamaïque et Rosa les a toujours convoitées. Pourquoi ? Le collier ne convenait pas du tout à une personne de sa condition. Ce n'est pas exactement pour sa valeur, dit Orval en se grattant le menton. Mais il semble que le collier soit un fétiche ou une amulette ou un porte-bonheur, comme vous voulez, pour apporter la bonne fortune à celui qui s'empare. Madame Harry Ford n'était plus en manque de chance et n'avait donc pas besoin de ses perles. Rosa les lui a demandé, juste comme un porte-bonheur, comme on dit. La vieille dame ne voulait pas s'en séparer, car elle était aussi superstitieuse que Rosa. Rosa donc finit par l'assassiner pour s'en emparer. « Comment savez-vous qu'elle l'a fait ?» demanda Agar, dubitative. « Comment je le sais ?» s'étonna le détective. « Parce que je ne suis pas un imbécile, mademoiselle. » La semaine dernière, Madame Harry Ford a été retrouvée dans son lit, un couteau dans le cœur, plus morte qu'une morte, et les perles avaient disparu. Mademoiselle Lyle ne savait rien de tout cela, et Rosa a juré qu'elle n'avait pas quitté sa chambre, alors vous voyez, nous ne pouvions pas vraiment savoir qui avait tué Madame Harry Ford. Mais maintenant que je sais que Rosa a mis en gage ses perles, je suis sûr que c'est elle qui a fait le travail. Qu'est-ce qui vous a fait penser que les perles avaient pu être mises en gage ? Oh ! C'était l'idée de Mademoiselle Lyle, une vieille fille très intelligente, mademoiselle. Elle aimait beaucoup Madame Harry Ford, comme il se doit, puisque la vieille dame était riche et la traitait comme une princesse. Elle a souvent entendu Rosa demander ses perles. Alors que Madame Harry Ford a été tuée et que les perles ont disparu, elle m'a dit qu'elle était sûre que Rosa avait fait le coup. Mais la mise en gage. « Eh bien, mademoiselle, » dit Orval en se grattant le menton, « c'est ainsi que les choses se sont passées. » Mademoiselle Lyle a dit que Rosa, pour se débarrasser du collier jusqu'à ce que l'affaire du meurtre soit close, pourrait le mettre en gage. Je l'ai pensé aussi, et j'ai envoyé un bordereau imprimé à tous les monts de piété de Londres. Vous avez écrit que les perles étaient ici. Il semble donc que Mademoiselle Lyle avait raison. Évidemment. Au fait, qui hérite de l'argent de Madame Harry Ford? Un certain Frederick Javens. C'est un neveu de Mademoiselle Lyle. Un neveu de Mademoiselle Lyle, reprit Agar, surprise. Et pourquoi Madame Harry Ford lui a-t-elle laissé son argent plutôt qu'à ses proches? Eh bien, c'est ainsi, mademoiselle, dit Orval en se levant. Elle n'avait pas de parents proches. Et comme M. Javens était un beau jeune homme, toujours à la maison pour voir sa tante, elle s'est prise d'affection pour lui et lui a légué l'argent. Vous êtes sûr que Mademoiselle Lyle n'a aucun lien de parenté avec Madame Harry Ford? Tout à fait sûr. Elle n'était que la dame de compagnie de la vieille femme. Madame Harry Ford avait-elle toute sa tête? Je n'en sais rien, dit M. Orval en la regardant fixement. Mais vous pouvez vous renseigner, si vous voulez, auprès de Mademoiselle Lyle. Mademoiselle Lyle, comment puis-je la voir? Quand vous viendrez voir si Rosa est la même négresse que celle qui a mis en gage les perles d'ambre, dit le détective en tapant sur son chapeau. Laissez quelqu'un s'occuper de la boutique, mademoiselle, et venez avec moi tout de suite. Avec une curiosité toute féminine, Agar accepta immédiatement d'accompagner le détective à Camden Hill. La boutique fut confiée à Bolker, un diablotin difforme de 16 ans, qui depuis quelques mois était le fléau de la vie d'Agar. Il avait un long corps et de longs bras, de courtes jambes et un petit caractère, ainsi qu'un regard mauvais qui n'indiquait que trop bien sa nature rancunière. Après avoir donné quelques instructions au garçon, Agar partit avec Orval dans l'omnibus et arriva à Bedford Gardens au début de l'après-midi. La maison était un joli cottage pittoresque situé dans un jardin charmant. Autrefois, le réconfort de l'âme de la pauvre défunte Madame Harry Ford était séparé de la route par une haute clôture de gris en fer obturée par des planches de bois peintes en vert foncé. La pièce dans laquelle le détective et la tzigane furent introduits était un appartement sobre et plutôt confortable qui portait l'empreinte de la vieille fille, Mademoiselle Lyle, dans la disposition de ses meubles. Lorsqu'ils furent assis et qu'ils attendirent Mademoiselle Lyle, qui avait été prévenue de leur arrivée, Agar posa soudain à Orval une question suggestive. « Rosa est-elle muette ? » demanda-t-elle. « Non, Dieu merci, » répondit Orval. « C'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup, mais elle sait se servir de sa langue à la manière des nègres. Pourquoi demandez-vous cela ?»« Elle a dit qu'elle était muette quand elle a mis les perles en gage. »« Oh ! C'est parce qu'elle était trop intelligente pour se laisser trahir par sa voix, » répondit Orval en souriant. Il avait assez de bon sens pour remarquer le ton impératif de Agar. Mais comme elle allait probablement lui être utile dans la conduite de l'affaire, il ne voulait pas la mettre en colère en le lui faisant remarquer. Lorsque Mademoiselle Lyle fit son apparition, Agar, comme toute femme qui se respecte, prit immédiatement note de son apparence et de ses manières. La vieille fille était grande, maigre et jaune, avec des yeux gris et froids et une bouche aux lèvres pendantes minces et dures. Ses cheveux gris fer étaient tirés sur son front étroit et attachés derrière le crâne en un strict chignon. Elle portait une robe d'étoffe noire, sombre et sans éclat, un col et des manchettes de lin blanc et des pantoufles de toile dans lesquelles elle glissait sans bruit. Dans l'ensemble, c'était une femme peu prometteuse, dure, aigrie et étroite d'esprit, qui regardait d'un œil désapprobateur la flamboyante beauté d'Agar et remarquait ses grâces d'un œil méprisant et d'un regard maussade. L'atout avec laquelle elle termina son inspection montra qu'elle avait condamné la jeune fille à première vue. Cette jeune personne est-elle nécessaire à la conduite de l'affaire? Dit Mademoiselle Lyle en s'adressant à Orval et en ignorant complètement Agar. Oui, mademoiselle, répondit Orval, à qui l'attitude antagoniste des deux femmes n'échappait pas. Elle tient le monde de piété où Rosa a mis les perles en gage. Mademoiselle Lyle eut un sursaut d'horreur vertueuse et ses lèvres minces sous l'air d'un sourire vipérin. Cette misérable a donc tué ma pauvre amie, dit-elle d'une voix douce et flûtée. « Je le savais. »« Elle a mis en gage les perles d'ambre, mademoiselle Lyle, mais ne me dites pas que cette misérable n'a pas assassiné mon ami !» s'écria mademoiselle Lyle en se dirigeant vers la corde de la cloche. « Mais nous allons la faire entrer. Et peut-être que cette jeune personne la reconnaîtra comme la vipère qui a mis les perles en gage. » « Il faut l'espérer, » dit Agar très sèchement, n'appréciant pas qu'on lui parle à la troisième personne. « Mais la négresse a gardé le visage détourné et je n'ai pas pu... »« C'est votre devoir de la reconnaître, » s'exclama Mademoiselle Lyle, s'adressant pour la première fois à la jeune fille. Je suis convaincu que Rosette est une dangereuse criminelle. La voici, la Jézabel noire. » Au moment où le dernier mot sortait de sa bouche, la porte s'ouvrit et Rosa entra dans la pièce, ce qui fit pousser Agar une exclamation de surprise. Cette négresse était plutôt petite et plus que légèrement corpulente. Il est vrai qu'elle portait une robe jaune garnie de perles de jais noires, qu'elle avait des ornements d'argent coués au poignet et qu'elle n'avait pas son merveilleux chapeau. Agar fut tout de même surprise et expliqua immédiatement sa réaction. « Ce n'est pas la femme qui a mis les perles en gage, » déclara-t-elle en se levant. « Ce n'est pas cette femme ? » répliqua Mademoiselle Lyle avec virulence. « Bien sûr que c'est elle, c'est Rosa !»« Oui, oui, je suis Rosa !» dit la négresse en se mettant à pleurer. « Mais je n'ai pas tué ma chère madame, c'est un mensonge !»« Vous êtes sûre, mademoiselle, que ce n'est pas elle ?» demanda Orval, un peu consterné. Agar s'avança et regarda vivement la négresse qui sanglotait vivement. Puis elle jeta un coup d'œil sur les mains de la femme et secoua la tête. « Je suis prête à jurer devant un tribunal qu'il ne s'agit pas de cette femme, » dit-elle à voix basse. « C'est de la foutaise, de la foutaise !» s'écria Mademoiselle Lyle en rougissant. « Rosa convoitait le collier, car il était lié à une archaïque superstition africaine et... »« C'est un vieux fétiche !» interrompit Rosa, dont les yeux pétillaient de feu en direction de la vieille fille. « Et la madame voulait me l'offrir, mais vous ne l'avez pas laissé faire. »« Certainement pas !» dit Mademoiselle Lyle avec dignité. « Le collier n'était pas fait pour que vous le portiez. »« Et parce que j'ai persuadé Madame Harry Ford de ne pas vous le donner, vous l'avez assassiné, misérable. Mettez-vous à genoux, femme, et avouez. »« Je n'ai rien fait !» s'exclama la négresse terrifiée. « Je n'ai pas tué madame. Je n'ai pas donné ces perles d'ambre pour de l'argent. Si ces perles étaient à moi, je les aurais gardées. C'est un précieux fétiche, c'est certain. »« Un instant, » dit Orval. Alors que Mademoiselle Lyle allait reprendre la parole, « menons cette enquête calmement et donnons toutes ses chances à l'accusé. Mademoiselle, » dit-il en se tournant vers Agar, « quel jour, à quelle heure, les perles ont-elles été mises en gage ?» Agar réfléchit rapidement et répondit promptement, « le soir du 23 août, entre 6 et 7 heures. »« Ah !» s'exclama joyeusement Mademoiselle Lyle. « Et le soir même, Rosa était sortie et n'est rentrée qu'à 9 heures. » « Je suis allé voir Maître Javons pour vous, » dit Rosa avec véhémence. « C'est vous qui m'avez envoyé. »« Je vous ai envoyé. »« Il suffit d'écouter les mensonges de cette créature. »« D'ailleurs, les chambres de M. Javons sont dans Duke Street, Saint-James, alors que c'est à Lambeth que vous étiez. »« Je ne suis pas allé chez lui. Vous m'avez envoyé au train de Waterloo. »« Waterloo ?» dit Orval en regardant Rosa d'un air sévère. « Vous y étiez ?»« Oui, monsieur. J'étais là-bas de 7 à 8 heures. » « Dans les environs de Lambeth, » murmura Orval. « Elle est peut-être allée au Mont-de-Piété après tout. »« Bien sûr qu'elle l'a fait !» s'écria Mademoiselle Lyle d'un air vindicatif. « Elle a mis en gage les perles d'ambre de ma pauvre amie décédée. »« Elle n'a rien fait de tel !» intervint Agar avec entrain. « Celle qui a mis les perles en gage, ce n'est pas cette femme. D'ailleurs, comment savez-vous que Rosa a tué Madame Harry Ford ?»« Elle voulait les perles, jeune fille, et elle a tué mon amie pour les obtenir. » « Non, non, ce n'est qu'un gros mensonge. »« J'en suis sûr, » dit Agar, le visage enflammé. « Je crois votre innocence, Rosa. Monsieur Orval, » ajouta-t-elle en se tournant vers le détective, « vous ne pouvez pas arrêter cette femme, car vous n'avez aucun motif pour le faire. »« Si elle n'a pas mis ses perles en gage, elle ne l'a pas fait, je vous le dis. »« Elle l'a fait !» s'écria Mademoiselle Lyle avec colère. « Je crois que vous êtes la complice de cette créature. » Il est impossible de savoir ce que Agar allait répondre à cette accusation, car à ce moment-là, un jeune homme entra dans la pièce. Il était beau et bien habillé, mais son visage avait un air blasé et fatigué qui trahissait la débauche. « Voici, » dit Mademoiselle Lyle en le présentant, « mon neveu, l'héritier des biens de feu, ma chère amie. Il est résolu, en tant qu'héritier, à découvrir et à punir l'assassin de sa bienfaitrice. Pour ma part, je crois Rosa coupable. » Et moi, s'écria Agar avec énergie, je la crois innocente. Espérons qu'elle le soit, dit Jammons d'une voix lasse, en retirant ses gants. Je suis fatigué de toute cette affaire. Vous êtes tenu de punir les coupables, dit Mademoiselle Lyle d'un ton dur, mais pas les innocents, rétorqua Agar en se levant. Jeune fille, vous êtes insolente. Agar regarda Mademoiselle Lyle de haut en bas de la manière la plus froide. Puis ses yeux s'égarèrent sur la silhouette bien habillée de Javons, l'héritier. Il était difficile de dire ce qui, en lui, pouvait ainsi l'effrayer. Mais après un instant d'inspection, elle était devenue toute pâle. S'avançant, elle allait parler, quand se ravisant soudain, elle fit signe à Orval et s'avança vers la porte. « Ma mission est accomplie, » dit-elle tranquillement. « Monsieur Orval, peut-être viendrez-vous avec moi ?»« Oui, et vous pouvez partir aussi, Rosa, » s'écria Mademoiselle Lyle, irritée par le regard insultant de la jeune fille. « Je suis maîtresse ici, dans la maison de mon neveu, et je refuse qu'une meurtrière reste sous son toit. » « Soyez soulagée, » dit Agar en s'arrêtant à la porte. « Rosa viendra avec moi. Et quand vous nous reverrez avec M. Orval, vous apprendrez alors qui a tué Mme Harry Ford et pourquoi. » Mademoiselle Lyle grommela, insolente. Et elle ferma la porte à Agar, Orval et à la femme noire. Le trio s'éloigna et peu après prit un omnibus qui les ramena au mont-de-piété de Lambeth. Agar parla sérieusement à Orval pendant tout le trajet. Et d'après l'attention soutenue que le détective lui accordait, il semblait que la conversation était des plus intéressantes. Rosa, sur qui toute la misère du monde semblait s'être abattue, était assise, les yeux baissés, et essuyait par intervalles les larmes qui coulaient sur ses joues noires. La pauvre négresse, soupçonnée d'être une voleuse et une meurtrière, chassée de sa maison et de son foyer, désolée et abandonnée, était écrasée sous le poids de ses malheurs. Le collier fétiche de perles d'ambre avait jeté sur elle une malédiction. En arrivant au magasin, Agar conduisit Rosa dans l'arrière-boutique et après un nouvel entretien, elle renvoya le détective. « Vous pouvez rester avec moi pendant une semaine, » dit-elle à Rosa. « Et après, vous ferez quoi ?»« Oh !» dit Agar avec un sourire agréable. « Je vous emmènerai pour dénoncer l'assassin de votre défunte maîtresse. » Toute cette semaine-là, Rosa resta dans la partie domestique du mont-de-piété et se rendit utile en faisant la cuisine et le ménage. Agar l'interrogea attentivement sur les événements qui s'étaient déroulés la nuit du meurtre dans la maison de Bedford Gardens et obtint certaines informations qui lui donnèrent une grande satisfaction. Elle les communiqua à Orval, qui un jour lui rendit une visite précipitée. Une fois en possession des faits, Orval la regarda avec admiration et en prenant congé, lui fit un compliment. « Avec votre intelligence, vous devriez être un homme, » dit-il. « Vous êtes trop bien pour être une femme. »« Et pas assez mauvaise pour être un homme, » rétorqua Agar en riant. « Allez-y, monsieur Orval, et faites-moi savoir quand vous aurez besoin de moi dans l'Ouest. » 4 jours plus tard, Orval réapparut, cette fois dans un état d'excitation extrême. Il s'entretint avec Agar pendant plus d'une heure, et à la fin de l'entretien, il partit en toute hâte. Peu après midi, Agar confia la boutique à Bolker, mit son chapeau et son menton, et ordonna à Rosa de l'accompagner. Elle n'informa pas immédiatement la négresse de la raison de ce départ inattendu. Mais avant qu'elle n'atteigne leur destination, Rosa savait tout et s'en réjouissait. Agar emmena Rosa jusqu'à Duke Street, Saint James, et là, à la porte d'une certaine maison, ils trouvèrent le détective qui les attendait avec impatience. « Eh bien, monsieur Orval, » dit Agar en s'arrêtant. « Est-il à l'intérieur ?»« Ça est sauf, » répondit Orval en tapotant la poche de son pardessus. « Et j'ai ici ce que vous savez. On monte ?»« Pas tout de suite. Je veux d'abord le voir seul. Vous restez devant sa porte et vous entrez avec Rosa quand je vous appelle. » Monsieur Orval acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'on attendait de lui, et le trio monta l'escalier sombre. Ils s'arrêtèrent devant une porte située sur le 2e palier. Agar, faisant signe à ses compagnons de se retirer dans l'obscurité, frappa légèrement à la porte. Peu après, celle-ci s'ouvrit sur Frederick Jevons, qui regarda Agar d'un air inquisiteur. Elle tourna le visage vers la lumière qui tombait par la fenêtre obscure de l'escalier, et la reconnaissant, il recula avec consternation. « La prêteuse sur gage, » dit-il avec étonnement. « Que voulez-vous ? » ?»« Je souhaite vous voir, » répondit Agar avec calme. « Mais il vaut mieux que notre conversation soit privée. Vous n'avez rien d'autre à me dire que ce que le monde entier pourrait entendre. Quand j'aurai expliqué l'objet de ma visite, vous penserez peut-être différemment, » dit Agar avec une certaine sécheresse. « Cependant, nous parlerons ici, si vous le souhaitez. »« Non, non, entrez, » dit Jevons, qui se tenait sur le côté. « Puisque vous assistez pour avoir de l'intimité, vous l'aurez, par ici. » Il la fit entrer dans une grande pièce assez mal meublée. De toute évidence, Fred Jevons n'avait pas été riche avant d'hériter de la fortune de Mme Harry Ford. « Je suppose que vous allez bientôt déménager dans la maison de Bedford Gardens ?» dit Agar, assise calmement dans un grand fauteuil. « C'est de cela que vous êtes venu me parler ?» rétorqua Javens brutalement. « Pas tout à fait. Comme vous êtes impatient, nous devrions peut-être nous mettre aux affaires. Affaires ? Quelle affaire je peux bien avoir avec vous ?»« Laquelle ?» dit Agar calmement, en le regardant droit dans les yeux. « Celle des perles d'ambre que vous avez mis en gage. » balbutia Javens en reculant, le visage pâle. « Et aussi, ajouta Agar, d'un ton solennel, celle qui concerne l'exécution d'un crime. »« Un crime ?» s'exclama la misérable créature. « Oui, le plus terrible de tous les crimes, le meurtre. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Agar se leva de sa chaise et de toute sa taille tendit un bras accusateur vers le jeune homme. « Ce que je veux dire, vous le savez bien, » répondit-elle sévèrement. « Je veux dire que vous avez assassiné Madame Harry Ford. »« C'est un mensonge !» s'écria Javens en s'écroulant dans un fauteuil, car ses jambes refusaient de le soutenir plus longtemps. « Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité, j'ai des preuves. »« Des preuves ?» répéta-t-il, les lèvres sèches et tremblantes. « Oui. Par son influence sur Madame Harry Ford, votre tante l'a incité à faire de vous son héritier. Vous aimez l'argent, vous êtes endetté, et vous ne pouviez pas attendre que la vieille dame meure de sa belle mort. » La nuit du meurtre, vous étiez dans la maison. Non, non, je jure, inutile, on vous a vu quitter la maison. Pour jeter les soupçons sur Rosa, vous vous êtes déguisé en négresse et vous êtes venu mettre en gage le collier de perles d'ambre dans mon magasin. J'ai remarqué qu'il manquait le petit doigt de la main droite à la prétendue femme noire. Vous, monsieur Jamons, êtes mutilé de la même manière. Encore une fois, je vous ai payé avec un billet de 5 livres. J'ai relevé le numéro de ce billet. Il a été retracé. Et vous êtes l'homme qui l'a utilisé. J'ai vu. Javens s'était levé d'un bond, en courbant et tremblant. C'est un mensonge. Un mensonge. Dit-il à voix basse. Je n'ai pas tué Madame Harry Ford. Je n'ai pas mis des perles en gage. Vous avez fait ces deux choses. Dit Agar, en ignorant les protestations. J'ai deux témoins qui peuvent prouver ce que je dis. Rosa, Monsieur Orval. Elle ouvrit grand la porte, tandis que Javens s'écroulait à nouveau dans le fauteuil, avec une expression d'horreur sur son visage pâle. « Rosa, Orval, » murmura-t-il, « je suis perdu. » Rosa et le détective entrèrent rapidement en réponse à l'appel de Agar et regardèrent avec elle la silhouette rapetissée de l'accusé. « Ce sont mes témoins, » dit Agar, lentement. « Rosa, j'ai vu cet homme dans la maison quand madame est morte, » dit la négresse. « J'ai entendu du bruit dans la nuit. Je suis descendu et j'ai vu maître Javens s'enfuir de la chambre de madame, et mademoiselle Lyle l'a fait sortir par la porte de côté. Il a tué madame. Oui, je le pense. Vous entendez ? Dit Agar à l'homme terrifié. Maintenant, monsieur Orval. J'ai retrouvé le numéro du billet de 5 livres que vous lui avez donné, dit le détective. Oui, il l'a dépensé à son club. Je peux faire venir un serveur pour le prouver. Vous entendez ? Reprit Agar. Et je sais, par la preuve de votre doigt manquant, que vous êtes l'homme, déguisé en négresse, qui a mis en gage le collier volé à Madame Harry Ford, après que vous l'ayez assassiné. La défunte, comme nous le dit Rosa, portait ce collier jour et nuit. Ce n'est qu'à sa mort qu'il a pu être enlevé. Vous l'avez assassiné, vous avez volé le collier de perles d'ambre. Javens se leva d'un bond. « Non, non, non » s'écria-t-il à haute voix, en frappant ses mains l'une contre l'autre avec désespoir. « Je suis innocent. » C'est ce que vous devrez prouver devant un juge et un jury, dit Orval en lui passant les menottes au poignet. Lorsque Jevons, protestant toujours de son innocence, fut envoyé en prison, Agar et la négresse retournèrent à Carby's Crescent. On peut facilement deviner comment elle avait remonté la piste du crime jusqu'à Jevons. Elle avait remarqué que la négresse qui avait mis les perles en gage n'avait pas d'auriculaire. Lorsqu'elle s'était retrouvée face à Rosa, elle avait vu que la femme avait tous ses doigts. Et lorsque Javens avait enlevé ses gants, elle avait découvert par sa main droite mutilée la preuve qu'il ne faisait qu'un avec la mystérieuse femme noire du monde piété. Pourtant, elle n'en était pas certaine, et ce n'est que lorsque Rosa eut dénoncé la présence de l'homme à minuit dans la maison de Bedford Gardens, et lorsque Orval eut retracé le billet de 5 livres dont elle avait relevé le numéro, qu'elle fut absolument sûre que Javens était le meurtrier. D'où l'accusation, d'où l'arrestation. Mais maintenant, le fait de sa culpabilité était clairement établi. Pour s'emparer de la fortune de Madame Harry Ford, le malheureux avait commis un crime. Pour cacher ce crime et en rejeter la responsabilité sur Rosa, il avait mis en gage les perles d'ambre, et maintenant, les perles d'ambre étaient sur le point de le faire pendre. Au moment de son triomphe, alors qu'il s'apprêtait à jouir des fruits de son crime, Némésis l'avait terrassé. La nouvelle de l'arrestation, l'histoire des perles d'ambre, était dans tous les journaux du lendemain. Le lendemain également, Mademoiselle Lyle vint voir Agar. Pâle et sévère, elle entra dans la boutique et regarda Agar avec un sourire amer. « Fille, dit-elle durement, vous avez été notre mauvais génie. J'ai permis de dénoncer votre complice, vous voulez dire, reprit Agar d'un ton posé. « Mon complice, non, mon fils !»« Votre fils ?» s'étonna Agar, l'air effaré. « Votre fils, mademoiselle Lyle ?»« Pas mademoiselle, mais madame Lyle !» répondit la femme pâle et décharnée. « Et Frederick Jammons est mon fils par mon premier mari. Vous le croyez coupable. Vous vous trompez, car il est innocent. Vous croyez que vous allez le pendre, mais je vous dis, ma fille, qu'il sera libre. Lisez ce papier, dit-elle, en jetant une enveloppe dans la main de Agar. Et vous verrez combien. Vous vous êtes trompé, je ne me reverrai plus jamais dans cette vie, mais je vous lègue ma malédiction. » Avant qu'Agar ait pu reprendre ses esprits, mademoiselle, ou plutôt madame Lyle, comme elle se faisait appeler, sortit précipitamment de la boutique. Ses manières étaient si sauvages, ses paroles si inquiétantes, qu'Agar se mit en tête de la suivre et, si possible, d'empêcher les conséquences de son désespoir. Elle se précipita vers la porte, mais madame Lyle avait disparu, et comme il n'y avait personne pour tenir la boutique, Agar ne pouvait pas la poursuivre. Heureusement, à ce moment-là, Orval tournait le coin de la rue, et aussitôt la jeune fille lui fit signe. « Madame Lyle, l'avez-vous vue ?»« Oui, » dit Orval en hochant la tête. « Elle est en train de traverser le pont de Westminster. Suivez-la, suivez-la vite !» s'écria Agar, sauvagement. « Elle n'est pas elle-même, elle est décidée à faire quelque chose d'irréfléchi. » Orval s'arrêta un instant, déconcerté, puis, comprenant la situation, il se retourna, sans un mot, et s'élança dans la rue sur les traces de Madame Lyle. Agar regarda sa silhouette pressée jusqu'à ce qu'elle ait tourné le coin de la rue, puis elle se retira dans le salon du fond et ouvrit l'enveloppe à la hâte. Sur la feuille de papier qu'elle y trouva, était écrite la confession suivante. « Je ne suis pas une vieille fille, mais une veuve, » commença promptement le document. Une femme mariée deux fois. Mon premier mari m'a donné Frederick Javens, qui passe pour être mon neveu et que j'aime plus que mon âme. Lorsque mon second mari, M. Lyle, est mort, j'ai cherché un emploi, car j'étais pauvre. Madame Harry Ford a passé une annonce pour trouver une femme célibataire comme dame de compagnie. Elle refuse absolument d'avoir une compagne autre qu'une vieille fille. Pour obtenir la situation, qui était bonne puisque Madame Harry Ford était riche, je me suis fait appeler Mademoiselle Lyle, et j'ai obtenu la place. Madame Harry Ford n'avait pas de parents et beaucoup d'argent, alors j'ai comploté pour obtenir sa richesse pour mon fils, que j'ai présenté comme mon neveu. Rosa, la servante noire, avait beaucoup d'influence sur sa maîtresse faible d'esprit, et d'une certaine manière, je ne sais pas comment, elle a compris mon but. Une bataille s'engagea entre nous, car Rosa était déterminée à ce que je n'obtienne pas l'argent de Madame Harry Ford pour mon fils. Finalement, j'ai triomphé, et Frédéric est devenu l'unique héritier de toute la fortune de la vieille dame. Rosa apprit alors, en écoutant porte, la véritable relation qui existait entre moi et Frédéric. Elle en parla à sa maîtresse, et j'eus avec Madame Harry Ford une scène orageuse, au cours de laquelle elle déclara son intention de révoquer son testament et de nous livrer mon fils et moi à l'indigence. J'ai supplié, j'ai imploré, j'ai menacé, mais Madame Harry Ford, soutenue par cette méchante Rosa, est restée ferme. J'envoyai chercher mon fils pour essayer d'amadouer la vieille dame, mais il n'était pas en ville. Il ne vint me voir que tard dans la nuit. Quand il est arrivé, je lui ai dit que j'avais tué Madame Harry Ford. Je l'avais fait pour l'empêcher de modifier son testament, et par amour pour mon cher fils, de peur qu'il ne perde l'argent. Frédéric a été horrifié et s'est précipité hors de la maison. Je crois que Rosa m'a vu le faire sortir par la porte latérale. J'étais déterminé à rejeter la faute sur Rosa, car je la détestais tellement. Sachant qu'elle convoitait le collier de perles d'ambre, je l'ai volé au cou de la morte et l'ai donné à mon fils le lendemain. Je lui ai suggéré de se déguiser en Rosa et de mettre le collier en gage afin qu'elle soit soupçonnée. Pour me sauver, il l'a fait. Je me suis procuré une robe que Rosa aimait porter, celle de soie jaune garnie de perles noires, ainsi que les bijoux de la créature. Frédéric s'est noirci le visage et a mis les perles en gage chez un prêteur sur gage de Lambeth. J'ai envoyé Rosa faire une prétendue course à la gare de Waterloo, au moment où Frédéric mettait les perles en gage afin d'obtenir la preuve contre elle qu'elle était dans le quartier. Puis j'ai suggéré à Orval, le détective, que les perles avaient pu être mises en gage. Il a trouvé la boutique, et j'ai pensé que mon plan avait réussi. Que Rosa serait condamnée et pendue. Malheureusement, la femme qui tenait le mont-de-piété était maligne, et elle a retrouvé Frédéric grâce à sa main droite mutilée. Je la déteste. Frédéric est maintenant en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Je suis coupable. J'ai tué Madame Harry Ford. Frédéric ne sait rien. Il m'a aidé en me sauvant, en essayant de rejeter la faute sur Rosa. Tout cela est inutile. Je suis coupable, et je suis déterminé à ce qu'il ne souffre pas pour mon péché. Officier de la loi, je vous ordonne de libérer mon fils et de m'arrêter. Je suis la meurtrière de Madame Harry Ford, je le jure. Julia Lael. Témoin, Amelia Tyke, femme de chambre, et Mark Drew, majordome. Agar laissa le document tomber de ses mains avec un sentiment de pitié pour la malheureuse. Comme elle doit aimer son fils, pensa la jeune fille, pour avoir assassiné une femme bonne et gentille à cause de lui. C'est terrible. Eh bien, je suppose qu'il va maintenant être libéré, et qu'il entrera en possession de la richesse que sa mère s'est ingéniée à lui procurer. Mais il doit rendre justice à Rosa pour tous les ennuis qu'il lui a causés. Il doit lui donner une rente, ainsi que le collier de perles d'ambre qui a permis de remonter jusqu'à la porte du crime. Quant à Madame Lyle... À ce moment, Orval, blanc et essoufflé, se précipita dans le salon. Agar se leva d'un bond et le regarda avec anxiété, s'attendant à de mauvaises nouvelles. Elle avait raison. « Ma fille, » s'écria Orval à voix basse, « Madame Lyle est morte. »« Morte ? Ah, » dit Agar, « c'est ce que je pensais. » Elle s'est jetée du pont de Westminster et vient d'être repêchée, morte. « Morte, » répéta Agar, « morte. » « Plus morte qu'une morte, » ajouta le détective d'un ton perplexe. « Mais pourquoi s'est-elle suicidée ?» Agar soupira, et en silence, remit au détective les aveux de la morte.